Yeah. C'est mieux ça. Better. Ok, yeah, on va kicker, ok, ça l'ego tripé, je sens que tu vas triper, tu sais que je kickerai même quand ma peau sera frippée, toi au flow tu t'as grippé, moi le bas, tout bas, je pose et tu commences à flipper, je murmurais ton cerveau fond, vu comment j'assure un siphon, fond, mes diverses natures, les choses se passent à fond. Ma cam est pure et ta smire comme un siphon dans ma tête gravite. Yo, des millions d'idées dans le cerveau, ça va trop vite. Hein. Dans ma tête gravite, ouais, je te l'ai dit. Hein. Ok, yo. Yeah. Tes oreilles ont redemandé, les spirales au fond de tes yeux me font dire que ton monde bataille pour trouver mieux et ainsi te sauver de mon flot, ôter ce mal flou, éteindre ces mille feux avant de devenir fou. Toi-même tu sais qui c'est qui kick le mic, bags, un beat, un texte et je bute les wack. À l'aise, j'ai des pouvoirs au microphone, balèze, hein. M'écouter, c'est un peu comme sauter d'une falaise. Ça fait planer. Prends ton envol. Yeah. Ok, ça fait simi simi, c'est le petit gibré. Voudrais imiter mes fils vite fait. T'as ni pigé, ni t'as mis l'idée. Tu m'as irrité, va militer, je sais pas, liciner. Si je m'y mets, tu vas halluciner. Chez moi, c'est iné. Simi simi, c'est yo. Depuis le lycée, yo, bah, il fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer les tasses et les clashs et les places. Au fond de la classe, on sait. C'est le prévu pour pioncer. Je veux militer mes phases, imiter les sages. Pour dire aux homies inosos, lisez, lisez entre les pages. J'en crée les marges, le savoir est une arme. Je suis barge, moi je vais l'utiliser. Pire ou pire, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir, pas le donner. Donc voter ne m'excite plus. Non, voter ne m'excite plus. Voter ne m'excite plus. Quelques rimes fraîches inaugurent d'ailleurs, ça fait Bugs est dans la maison. Pas de raison de sortir les crocs. On n'est pas des pizzas 4 saisons. Trop de 4 soumis pour 4 soumises. Leur boule perdent la partie finissant comme des chattes soumises. Et pas de soucis, tu veux des mauvaises nouvelles, y en a. Des lyrics poubelles, y en a. Tu veux des foutaises, y en a. Des foutaises, ouais, des bourrés de sous haze, y en a. Mais je suis le printemps, moi. Yo, je ramène le soleil. T'as hiberné tout l'hiver, mon grand, arrête le sommeil. Je rappe un truc frais. Garçon, s'il vous plaît, un verre de neige vite fait. Avec des glaçons, car il fait de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Je vois de plus en plus de mains en l'air, de plus en plus haut. Y'a l'art, la manière, l'amour du stylo. Marre du froid de l'hiver, ben viens écouter Bilbo. Yeah. Bilbo Mike. histoire de fou. Ça part en improvisation, il paraît. Mais t'es taré, sans déconner, ça te fait marrer. Qu'est-ce que je dis? Mais faut que tu te barres d'ici. Ouais, qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas, mais je continue. Toute la journée, toute la nuit, toute la vie. Bilbo est parti, ne s'arrête plus. Toi-même, tu sais que tous les jours, je continue, continue. Mon microphone, la percussonne. Et moi je cartonne, tu sais que je dégomme quand je prends le putain de micro. Tu sais que c'est chaud, ouais, Omigo c'est Bilbo. Je vais que des rimes pourries, mais bon, c'est ça qui est beau. Je crois que je vais m'enrouler un petit histoire de monter le niveau. Allez, un dernier split de tard est promis. D'ici pas trop tard, j'aurai kické le chromie. Comme d'hab, dans le pétard, j'en ai trop mis. J'ai plus qu'envie de boire de l'eau, grignoter des brownies. Mais je veux du hip et puis du hop dans mes oreilles. Du poum, chakalakapoum, dans mes tympans. Du son qui surprend, du son qui réveille. Allez, allez, allez. Caillou is in trouble. En appuyant sur play, tu viens de me donner carte blanche pour faire ce que je veux à tes oreilles. J'espère que tu m'as reçu. Tu risques d'être déçu si tu comptais m'arrêter en me tapant dessus comme un putain de réveil. Hey, d'habitude, je suis tranquille. Chill avec mon pet, pas de raison de se prendre la tête. Mais là, j'ai le goût qui l'a dit. Ou c'est le goût qui d'amigo, je te shoot. Si t'as pas le niveau, je te bousille. Banzai, je suis taillé comme un bonsai. Petit peu de racine, mais le mental d'un bonsai. Je file karaté ton fit, le canapé file vite, t'as raté bouffe, t'as raclé moi je goûte, t'as raclé comme Pédo, ben enfermé avec un pot et les teubés. Bilbo Baggins pour tous les cerveaux et les teubés. Hein, tu connais les deux B, allô. Petite histoire, je me baladais tranquillement sur l'avenue. Petite histoire, quel jour était-on, je ne sais pas. Il avait plu. Je me baladais au sol, mouillé encore. Je te raconte même pas la gueule du décor. Soudain, le mec à la mallette débarque. Regarde d'un air pas net et dit: c'est toi Bugs, il faut que je te donne ce truc. Moi j'accepte pas, t'es fou. Je le connais pas, je m'en bats le huc. Alors je cours, je cours, je me barre en courant. Le mec me course, course, et c'est pas marrant. Putain de cauchemar, je suis en train d'halluciner. comme dans un film ou ciné, n'importe quoi ce qui se passe dans ma tête, dans mon crâne. À se demander si c'est réel ou n'importe quoi, je demande même ma route à une femme. Je lui dis bonjour, excusez-moi mademoiselle, mais je voudrais aller là-bas. Et en courant vite, elle me dit débrouille-toi. Et je m'agite, je continue à valser, à lutter contre le temps. Le mec est toujours là, attends, je continue, cours, cours, cours encore. Cours, cours, cours encore, je speed, je suis tout nu, je capote, c'est quoi ce truc? Rêve de fou, mon gars. Moi je t'entends là, Caillou. Pierre. Bah remets-toi à la basse, toi. Et l'autre il fait drum et basse en fait. Sorry for the French. Caillou has some trouble. Worlds. Cool. Yeah. Okay. J'ai toujours cru que je finirais seul, pas devant le cahier. Moi, mon stylo, ma gueule, prête à brailler. Je savais pas trop comment, mais je l'aurais parié. Le micro s'y prétend, il était temps que je me mette à piailler. Je commence à bailler, tu crois que je dors la nuit? Je tape, je m'organise, de l'art je tords l'ami. Je vais pas me tailler parce qu'on me dit que le rap est mort. La vie, c'est des tas d'efforts et des fois, c'est des morts d'amis. Et ça fait mal, mais je vocalise. Je m'efface par éclater, wak est traumatisé. Mais c'est facile, bad, c'était pas ça l'idée. Basique, fade, c'est des banalités. C'est la fatalité qu'il faut combattre ou on va se ronger. Au moment du constat, même dans l'adversité, même la plombe au pont du sac. Je sais c'est long, mais bon, fais le bon choix. Je sais c'est long, mais bon, fais le bon choix. J'ai toujours su que je finirais seul grattant le papier. Depuis le lycée, le délire, même à l'époque où je pissais dans des piscines où j'avais même papier. J'ai toujours su que le monde appartient à celui qui sait lire, ainsi qu'il peut se dire y a autre chose que ce que je vois dans ma glace. Autre chose, c'est sous la surface. Autre chose que les mots sur les lignes et la vie n'est pas rose. Faut pas pour autant te résigner. Guette ces signes qu'aujourd'hui est plus beau qu'hier. Et si c'est si faux, attends juste demain. De toute manière, on peut pas toujours tirer le mauvais numéro, pas toujours. Marie par tes poignets à l'exacto et chaque jour reste en vie même si c'est pas pour toi. Chaque étoile qui brille est là pour nous rappeler que ce qui paraît petit est juste loin des fois, loin de soi. Que tu le comprennes ou pas, dans ton avenir tu souris. Chaque jour reste en vie même si c'est pas pour toi. Chaque étoile qui brille est là pour nous rappeler que ce qui paraît petit est juste loin des fois, loin de soi. Que tu le comprennes ou pas. Hein, j'ai toujours cru que je finirais seul à m'apitoyer. J'ai toujours cru que je finirais seul à m'apitoyer. S'il y a bien un truc que je déteste, en plus du ménage, de la vaisselle, du climat de Brest et de mon portefeuille, aussi vite que pleines sont mes bourses. Putain, c'est d'aller faire les courses, mais ce jour-là, fallait que j'y aille. Vite, mon ventre braillait, mon frigo vide, plus rien à grailler. J'attrape un peu de maille par me ravitailler. Le truc est carré, moi je veux faire ça vite. Pas de caddie, j'aurai moins de 10 articles. Je compte pas m'éterniser, je sais quel rayon viser. OGM de chez Kellogg, c'est les pasteurisés. Dans la main, j'ai un litre de calcium. Dans ma tête, les neurones se bastonnent. Mon corps ne fonctionne plus. Et là, je me questionne. Sérieux, y'a plus de chocopops, je suis en train de capoter. Y'a plus de chocopops, non mais t'es sérieux. Y'a plus de chocopops, arrête. Je suis en train de capoter. Sérieux, y'a plus de chocopops, je suis en train de capoter. Y'a plus de chocopops, non mais t'es sérieux. Y'a plus de chocopops, arrête. Je suis en train de capoter. Ça m'appelle la fois où j'avais choisi un nouveau style de chocapic avec un goût tout moisi. Je me ferai pas avoir cette fois-ci. Je veux mes chocopops ou je deviens violent comme un nazi. Mais je regarde tous les paquets, ils sont nulle part. Je suis au taquet, genre ils ont bien dû les planquer quelque part. Eh hey, toi, viens voir, pas d'histoire, plus de chocopops. Sérieux, je peux pas le croire. Ils sont où? Je sais que t'en as en stock. Fais pas le fou, je sais que tu nies en bloc. Mais qu'en sortant tu n'iras que savourer ces succulents grains de riz soufflé. Perso, discrètement, fais pas le pro, je sais que tu mens. Fais pas le faux, tu parles trop. Parlez-moi calmement, Guélec, tu faisais le faux. Mais tu vois maintenant que pour du choco, même un hobbit peut montrer les dents. Allez, appelle pas les cops. Fais pas le con et va me chercher mes chocopops. Nickel. Parfait. Ok. Yeah. Le beat est tellement posé, je pourrais doubler le nombre de voyelles. Comme t'oublies le nom des demoiselles qui t'ont rendu naze. Y'a tellement peu de BPM, je pourrais kicker des consonnes. Elle parlerait d'elle-même, je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des et puis des gros prrrr. Je suis un lion, pas un chat. Si tu me waf, moi je te grrrr. Je suis qu'un non-name honnête, balance un phonème au maître. Et en miette, je kick des sons quand ça fait sens, bah je m'arrête.

yo. J'ai beau essayer, mais je peux pas. Va savoir pourquoi je continue d'y croire alors que l'histoire se répète. Chaque nouvel essai de ma part, hein. Ça fait mal et ça pique les yeux. Mat la panique, grave comme ça nique, sérieux. L'espoir et son côté titanique. Mais je veux pas, c'est pour ça que je me fais passer pour celui qui roule un pétard en forme de baguette magique. Une canette de la zik et je fais disparaître mes cauchemars. Ce serait mortel si c'était si facile que ça. Mais on est des marionnettes avec des ficelles cassées. Des mythos bons qu'à se défoncer, le casque foncé dans le fossé. C'est tout ce qu'on va faire de la caisse. Mais la question c'est qu'est-ce que t'en dis. Viens on se met sec comme des cons en s'enquillant quelques brandis. Ou viens on évolue, viens on grandit. Allez viens je réunis Bugs, le temps du Bilbo l'érudit. Hey yo. J'ai beau essayer mais je peux pas. J'ai beau pagayer, pagayer. Être l'être humain que je voudrais, je peux pas. Mais l'être, j'ai beau bégayer, bégayer. Si je pouvais être incisif calmement, frère, je dirais des tas de choses, des tas de choses. J'ai le principe actif pour le médicament, de quoi faire. Des tas de doses, des tas de doses. Apprends à faire sans liasse, attends que ça se mette en place, avant que ça pète en masse. Et j'acte, cause, fais gaffe, ça s'organise dans ma tête. Mes baffes vont traumatiser la planète exacte. Pause, c'est de l'ego trip ou du rap conscient. Je te laisse décider, j'en ai rien à foutre. J'explose les types et les cadres, conscience explose les faux types en passant. Qu'est-ce que t'as contre ça? Qu'est-ce que tu racontes ça? Fait des années que je remplis des cahiers de comptes sales et de tas de constats. Check, un, teste et affronte ça comme la peste ou ton propre reflet de Waklop. Ça, ce texte, c'est du Lego pour les mecs et l'ego. Je suis frais comme l'herbe, t'es dead comme le mégot. Des années que je rappe, je suis toujours en mode intro. Attends que ça parte, attends que j'écrase mon bédo. En vrai, je suis en soum soum, comme un indique, pour ça que je te saoule. Comme un lundi, les 365 jours, comme Vivaldi, histoire d'attirer la foule et de me défouler. Pardi. Du mercredi au mardi. J'ai beau essayer, mais je peux pas. Et j'ai beau pagayer, pagayer. Wesh cous, petit message d'ici bas, juste pour te dire que tout va bien, histoire que tu t'inquiètes pas. Malgré le temps sans toi. Les mecs font les costauds, les musclés, les machos, les roughnecks, mecs sans cœur. Mais toi-même, tu sais, la vérité est ailleurs. Je ne fais que la compter, tu ne vois pas leurs pleurs. Car ils se cachent pour pleurer, se cachent pour pleurer, mais deviennent fous en silence. Sous à outrance, et tout ça sous l'apparence. Yo, d'un sourire vague, de style de blague. jolie mer bleue à la Nemo. Je pourrais partir loin. Pas besoin d'avion, rien, non, je pourrais décoller. C'est ce que je fais tous les jours, déconner. Et je le fais tous les jours aussi. Mais MC, c'est ça que je suis, ouais, même s'il faut donner tout ce que tu peux de ton cœur, de ton âme, à ce qui paraît se condamner. Je n'y crois pas. Yeah. Attention. Faut faire attention. Pression. Lyrics de haine, t'es qu'un cadavre, je vais te bouffer comme une hyène. Te rouler dessus en gova, je vais te piétiner, te saigner. Je rappe pour le lova, sauf quand ce bâtard me sème. Strange drums.